Excellence, Monseigneur Rupp et Monsieur le Curé, de me laisser prendre la parole sur la demande des anciens de Championnet. Et vous comprenez que je ne le fais pas sans émotion. Qui peut oublier le petit garçon qui jouait sur la cour de Championnet, dans cette cour où grouillaient des centaines d'enfants? Il était parmi les plus petits, mais déjà, il les dépassait tous, par son esprit, par sa finesse, par son intelligence, par cette sympathie, je ne crains pas de le dire, qui se dégageait d'une distinction naturelle. Il était d'une famille très chrétienne. Sa maman, je me le rappelle, faisait des chroniques très intéressantes dans notre cher vieux bulletin, l'écho des grandes carrières, parce qu'elle était la secrétaire de l'action catholique féminine. Il a grandi, cette petite plante a été remarquée par Dieu. Elle a correspondu avec une bonne volonté totale à cette loi de la croissance, du progrès, qui s'impose à tous et qui l'a trouvée en parfaite bonne volonté. Elle s'est épanouie jusqu'au sacerdoce, jusqu'à la plus grande des dignités dont nous, les vieux, nous ne saurions trop remercier le bon Dieu. Il a étudié sa vocation avec toutes ses puissances d'âme. D'abord, mettant en premier plan les vues surnaturelles et le désir de Dieu, puis sa raison très positive, très sur terre, et puis aussi, ce qu'il avait de plus grand, sa puissance de générosité. Et l'heure venue, il ne demanda aucune tâche, mais il accepta celle que la Providence lui envoyait. Et quelle tâche ! Succéder à l'abbé Bernard, du vivant même de ce prêtre incomparable, il le fit avec respect, avec décision, avec clarté, avec une intelligence qui illuminait son zèle. Et très vite, on s'aperçut que cet ancien petit garçon était devenu un grand homme capable de porter de nombreuses responsabilités. La responsabilité de cette œuvre qui a retourné ce quartier et dont profite maintenant en grande partie l'activité paroissiale. Responsabilité des préventoriats, de l'association Championnet, de l'association du bonheur à la campagne, que sais-je. Et avec le sourire, avec cet esprit qui se montrait au coin des lèvres, il resta toujours en parfait sang-froid et en activité qui ne laissait pas de côté toutes les puissances de son cœur. Un jour, la maladie l'a frappé. Je me rappelle la dernière fois que je l'ai vu, dans sa petite chambre mansardée du cher presbytère de Championnet. Il n'était pas, certes, épris de mièvrerie ou de sensiblerie mielleuse. Il regardait avec clarté sa vie, son épreuve, selon les lumières de Dieu. Et parmi les derniers mots qu'il a prononcés, c'était ceux qui rappelaient les décrets de la Providence, de cette Providence qui est la seule réponse à tant de mystères de la vie. Et maintenant, il est entré dans son éternité, à la suite de ces géants du sacerdoce qui ont fait cette œuvre et cette paroisse, à la suite des abbés Bernard, Giruit, Couturier, Bragade, Léchalas et tant d'autres, et à la suite des aînés qui sont morts et dont l'âme est ici, à planer au-dessus de cet auditoire. Cher petit Raymond Borme, tu es là aussi. La mort fait effondrer les corps, les âmes restent immortelles. Avec des puissances de clarté et d'amour que nous ne comprendrons que dans l'autre monde. Résistant à l'heure où il le fallait et sachant garder un secret derrière une figure impassible, mais le cœur tellement vibrant, nous sommes sûrs qu'actuellement tu nous aimes avec plus de puissance que tu ne l'as fait ici-bas. Tu sécheras les pleurs de ceux qui ont un chagrin bien légitime et tu mettras au cœur de tous ceux qui sont ici, les vieux maintenant, des anciens petits du patronage, qui aident des hommes de 55 ou 60 ans, tu leur mettras l'amour de ce que leur présence ici symbolise, la fidélité. Et les jeunes auront tout simplement à suivre les mêmes méthodes dont le résultat est ici. Moi-même qui suis vieux et dans une toute autre paroisse, je rêve de faire une œuvre qui ressemble à celle de Championnet, très ouverte à tous, sans cloisonnement, sans amour excessif des catégories, où chacun soit bien à sa place, mais où il y ait une place pour tous, pour les pauvres petits sans lumière religieuse, aussi bien que pour ceux qui doivent se placer dans l'élite. Une âme comme celle de Raymond Borme ne peut pas ne pas nous aider à cette tâche. Et tandis que vous irez le jour de l'Ascension au pèlerinage de Chartres, qui est déjà une tradition, il sera avec vous, il marchera avec vous, il illuminera votre âme. Et nous demandons du fond de notre cœur que notre génération, devant tant de lumière, et devant une lumière vécue, pas en phrases, mais en activité, se laisse éclairer avec docilité. À une époque où il y a des hommes de génie qui oublient, hélas, ce qui est nécessaire à tous, l'assouplissement. En face des psychologies et des circonstances, tu donneras aux grands de ne pas rester rigides tout en étant fidèles, et tu donneras aux jeunes qui viennent, de penser à tout ce qui est derrière eux, à tout l'élan de cette terre bénie, de telle manière que notre temps, qui crie son douloureux besoin de vie spirituelle, en regardant ce coin de Paris, monte à la suite des autres vers le bon Dieu, ainsi soit-il. Ignorance des formules que l'on emploie. Ignorance des rites, ignorance des textes, ignorance de ce qu'on appelle en gros la liturgie. La vraie raison qui nous détourne de la pratique religieuse, c'est pas la raison de la pratique en elle-même, c'est surtout tout simplement parce que l'on a peu ou pas la foi et parce qu'on n'a plus le sens religieux. On sait qu'il y a un abandon de la foi, une perte de la foi, et qu'il en résulte, par contre, on ne pratique pas. Est-ce que le problème, alors, n'est pas vu à l'envers? Et c'est pas un paradoxe, voilà ce que je veux dire. Certains disent, je ne pratique pas ou peu parce que ma foi n'est pas assez grande. Je réponds, est-ce que ce n'est pas précisément parce que tu as abandonné la pratique religieuse, je parle de la vraie pratique, que survient la sclérose ou l'abandon de la foi? La pratique religieuse n'a pas sa fin en elle-même, et c'est là où beaucoup de chrétiens s'y trompent. C'est un certain nombre de performances, même sur le plan moral. Ce n'est pas une addition de prières, c'est une liaison établie vraiment avec le Christ. Au fond, les chrétiens vivent souvent d'illusions dans leurs petites habitudes et dans des pratiques qui ne sont pas de vraies pratiques. Ce sont des déformations de la pratique. Dieu et les réalités surnaturelles sont acceptées sous forme d'abstractions. Nous ne s'adressons jamais vraiment au Christ. C'est là dont nous mourons. Et c'est là où la retraite doit nous être un stimulant. Savoir s'adresser au Christ comme à quelqu'un de vivant, qui nous parle, qui nous rejoint vraiment, et que nous verrons un jour. Mais alors, tout de même, c'est tout à fait, nous retombons alors, vous direz-vous, dans la théorie, à quoi donc tient l'échec, toujours possible et si souvent contrôlé, de la pratique religieuse? La pratique religieuse, effectivement, elle ne nous contraint pas d'emblée, encore qu'elle y vive, à ce que nous puissions nous cataloguer dans le corps des saints, immédiatement, nous n'avons d'ailleurs pas à nous juger en ce sens, il faut très humblement consentir à un effort, j'allais dire, permanent. Parce que la pratique en elle-même n'est pas, ne sera jamais, à mon point de vue, assurée de donner des résultats probants. Vous avez des gens qui pratiquent complètement, qui théoriquement n'ont rien à se reprocher, qui prient, qui font la messe, qui fréquentent grosso modo les sacrements. Le Christ interroge un jour un jeune homme qui veut être parfait. Et qui lui dit, qu'est-ce qu'il faut faire? Qu'est-ce qu'il faut faire pour posséder la vie éternelle? Et le Christ lui répond, il faut observer les commandements. Et l'autre de répondre, mais je l'ai toujours fait, il peut se rendre cette justice, il l'a toujours fait. Et cependant, il ne se classe pas dans la catégorie des saints, il reste en deçà. Pourquoi? Parce qu'il ne veut pas suivre le Christ, qui lui demande à ce moment-là de tout abandonner. La pratique religieuse n'est jamais garantie d'un résultat immédiat, tangible et permanent. Voyons un aspect de la pratique religieuse très, très pratique, qui est le sacrement de pénitence, qui est l'objet d'une assez grande désaffection. On n'aime pas se confesser, et autour de nous, nous voyons que des gens qui n'usent pas du sacrement de pénitence. Pourquoi tant de désaffection? On ne va pas se confesser parce qu'on ne se reconnaît pas comme pécheur. On oublie cette notion de péché. Alors, le sacrement de pénitence, c'est entretenu par l'Église, à supposer qu'on veut bien reconnaître encore que ce n'est pas une invention de l'Église. On ne croit pas au péché. On ne croit pas donc au sacrement de pénitence, de surcroît, on n'en a pas envie, on n'en a pas l'intention. En plus, bien sûr qu'on croit une tentation pouvant venir extérieurement d'un démon possible. Pour que notre conscience soit éclairée, il n'est pas mauvais, au moins une fois de temps en temps, de s'en mettre devant les examens de conscience tout à fait traditionnels. Mais c'est un moyen, mais c'est bien sûr, c'est un truc. Il faut avoir l'humilité de reconnaître que c'est tout de même bien pratique. Mais attention, nous craignons là, nous faisons allusion aux gens qui ne sont pas capables de reconnaître leurs péchés et nous les encourageons à faire un examen de conscience. Est-ce qu'il n'y a pas à l'opposé ceux qui ont l'obsession au contraire du péché, de leur nombre, de leur poids et surtout du caractère inéluctable du péché, de sa répétition fatale dans leur vie? Et alors, nous revenons à l'argument, le fameux argument de la loyauté, ils disent c'est pas la peine que je me confesse parce que je recommencerai mes péchés. À quoi bon me confesser, puisque je sais d'avance que je retomberai? Mais au fond, est-ce que nous n'avons pas parfois des dispositions tellement rudimentaires quand nous venons de confesser qu'il y a un obstacle à la grâce? Par exemple, on accuse son péché, mais est-ce qu'on le regrette vraiment? Il faut conclure maintenant en disant que la pénitence, elle veut le progrès, elle doit nous placer sur la route de l'ambition spirituelle. Elle se rend dans un programme, n'ayons pas peur du mot, de sanctification, de dépassement. C'est une affaire de croissance spirituelle. Au royaume de Dieu, il n'y a pas de nain.